Bourré trois temps, Jean Chabosy, Dove. Derrière chez nous, il y avait une montagne, moi, mon amant, nous la montions souvent. Derrière chez nous, il y avait une montagne, moi, mon amant, nous la montions souvent. Pour la monter, au grand Dieu, quelle peine, en descendant, quel soulagement. Pour la monter, au grand Dieu, quelle peine, en descendant, quel soulagement. Je suis fâchée de mon premier mariage, si je pouvais, je me remarierais. Je suis fâchée de mon premier mariage, si je pouvais, je me remarierais. Je reprendrai mes anciennes, je reprendrai mes anciennes amitiés. Je reprendrai mes anciennes, je reprendrai mes anciennes amitiés.